le 21e siècle. Ainsi, aux quatre coins du monde, les hommes se perdent et délaissent leur destinée pour la conquête d'un nouveau monde. Un nouveau monde fait d'illusions et de déceptions où ils obéissent à des lois terrestres et non divines. Des hommes avides de rêves, guidés par leurs intérêts à la recherche de fortune, qui oublient les préceptes de leurs ancêtres. Qui n'a jamais rêvé d'un monde paisible, où la persécution n'existe plus, où la femme est l'égale de l'homme, où le riche se préoccupe du pauvre, où les générations se succèdent et se respectent? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil se lever sur ces fondations qui guident nos pas, forgent nos esprits et remplissent nos cœurs de richesses? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil se lever sur l'histoire de nos merveilleuses cités d'or? Psychiatre de la rime. Bienvenue dans nos merveilleuses cités d'or.